ce savon divin qui t'enseigne et qui te fait évoluer dans les sphères de la science. Il te prend par le plus bas degré pour te ramener vers le plus haut degré en te passant d'étape en étape, sans brûler les étapes. بالعلم النافع يحصل العمل الصالح واليوم إن شاء الله سنتدارس من خلال محاضرة للشيخ صالح الشيخ موضوعا مهما ما أحوجنا إليه إن طبقناه إن فهمناه حق الفهم وطبقناه وجعلناه حقيقة في يومنا وليلنا نجونا بإذن الله عز وجل ألا وهو الأصول الشرعية في التعامل مع الناس الله عز وجل aujourd'hui inshallah nous allons étudier à travers une conférence l'un des hommes de science qui est Sheikh Saleh al-Sheikh un sujet énorme dont nous avons tous besoin si nous comprenons ce sujet et le maîtrisons comme il se doit et on le met en application dans notre vie, nous allons être épargnés de beaucoup d'ambiguïté. Nous allons être dans une quiétude claire et dans une situation claire. C'est les fondements de la législation dans le fait comment se comporter avec les autres. Parce que dans nos milieux dans lesquels nous sommes, où il n'y a pas d'homme de science, on patauge dans nos relations avec les autres. Dans tout. Ça concerne tous les autres, en partant de toi-même, de tes parents, de tes enfants, des croyants, des mécréants, les innovateurs, et ainsi de suite. Et on patauge dans la choucroute dans ces situations-là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas l'homme de science qui nous éduque. Pourquoi? Parce qu'on ne s'acharne pas à l'apprentissage. Pourquoi? Parce que les choses de ce bas monde passent avant tout. Pourquoi? Parce qu'on met nos sentiments, une relation avec les autres avant la législation. Et on ne conditionne pas la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala avec. On ne conditionne pas nos sentiments avec la législation d'Allah. Voilà pourquoi. Tout ça, ce sont des causes qui font que nous pataugeons et que nous faisons n'importe quoi. Et que nous nous retrouvons dans des situations où nous ne devons pas être. يقول حفظه الله الأصول الشرعية للتعامل مع الناس اللي حفظه الله تعالى les fondements de la législation pour se comporter avec les autres avec les gens ومن المعلوم أن الله جل وعلا بعث نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم ليخرج الناس من داعية هواهم ليخرجهم من تحكيم آرائهم وتحكيم رغباتهم على تعاملاتهم إلى أن يحكموا الله عز وجل وحده وإلى أن يطيعوا الله جل وعلا ويطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم Ils disent qu'il est connu c'est que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé son messager son prophète Mohammed alayhi salatu salam pour sortir les gens de leur passion et de ce que leur dicte leur passion Il sortir les gens du fait de prendre comme juge les passions, leurs opinions, dans le fait de se comporter avec les autres. Et il a envoyé ce messager pour les sortir de là, pour qu'ils prennent comme juge dans toutes les situations Allah Azza wa Jal, et qu'ils obéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils obéissent à son messager alayhi salatu salam. ففي الصحيح أي في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أن الله سبحانه وتعالى قال في الحديث القدسي قال الله تعالى إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك فالله عز وجل بعث نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليبتليه بطاعته وبتوحيده وبتبليغ شرعه وليبتلي به الناس. Donc, comme il est rapporté dans l'authentique de l'imam Muslim rahimahullah, dans un hadith Qudsi, le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah subhanahu wa ta'ala a dit, je t'ai envoyé pour t'éprouver et pour éprouver les gens par ton envoi. Allah azza wa jal a envoyé Muhammad alayhi wa sallam pour l'éprouver, hein, par son obéissance, par l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et par le monothéisme, et pour l'éprouver avec le fait de transmettre la législation d'Allah azza wa jal, et pour éprouver les gens avec, et pour éprouver les gens est-ce qu'ils vont le suivre ou pas. فالنبي صلى الله عليه وسلم مختبر به وبما جاء به عن الله عز وجل لأبتليك وأبتلي بك. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام est une épreuve pour les gens, parce qu'il est dit dans le hadith, pour t'éprouver et éprouver avec toi, éprouver les gens par toi. يعني لأختبر الناس بك, يعني لأختبر الناس بك, هل يتبعون شرع كاملا, هل يتبعون سنة كاملا, هل يتبعون ما حملته مما أنزل الله جل وعلا عليك كاملا. إيدي Ça veut dire le fait que Allah subhanahu wa ta'ala éprouve les gens avec, s'ils leur passent leur examen, c'est une épreuve pour eux, Muhammad alayhi salatu wassalam. Pour voir que Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve par le fait, est-ce que nous allons suivre la législation que Allah subhanahu wa ta'ala a transmise à Muhammad alayhi salatu wassalam? Est-ce que nous allons suivre la sunna de Muhammad alayhi salatu wassalam? Est-ce que nous allons suivre ce qui a été révélé et descendu sur Muhammad alayhi salatu wassalam ou pas? والابتلاء حقيقته هو الاختبار. وابتلاء الناس بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم في جميع أحوال المكلف. الابتلاء sa réalité c'est l'examen. Tu passes un examen. Tu le réussis ou là tu le réussis pas. Et l'examen ici c'est le fait, est-ce que tu vas suivre ce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné ou pas. Et le fait que les gens soient éprouvés par l'envoi de Muhammad alayhi salatu wassalam, c'est dans toute leur situation. Ça concerne toute leur situation. Ça concerne la situation de tout un chacun qui a l'âge de puberté. Et donc à qui il est obligé de faire, à qui s'adressent les ordres et les interdictions. Wa min tilka al-ahwal anwa' ta'amulatih. Et fait partie de cette situation avec laquelle on est éprouvé par l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam, c'est notre comportement avec les autres. Et notre comportement dans les différentes situations. فَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ كَمَا يَقُولُ الْإِمَامُ الشَّاطِبِي رَحِمَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ الْمُوَافَقَاتِ الشَّرِيعَةُ جَاءَتْ لِإِخْرَاجِ الْمُكَلَّفِ مِنْ دَاعِيَةِ هَوَاهِ إِلَى أَنْ يَكُونَ تَابِعًا لِأَمْرِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. La législation est venue, comme il a dit l'imam Shatibi rahimahullah dans son livre Al Muwafaqat, la législation il est venue pour sortir celui qui est arrivé à l'âge de puberté de ses passions pour qu'il suive les ordres de Allah subhanahu wa ta'ala. Le sortir de ses passions pour qu'il se soumette à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il mette en application les ordres de Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il les suive. فحقيقة العبد أخ الإسلام. Viens par là, أخي بارك الله فيك. Il y a de la place. Poussez-vous un petit peu. Comme ça, poussez-vous sur la droite. Vous laissez la place de l'autre côté à ceux qui arrivent. Et avancez vers l'avant, بارك الله فيك. فحقيقة العبد إخوة الإسلام أنه مربوط مقبوط لله عز وجل. La réalité du serviteur d'Allah, c'est qu'il est conditionné. Il est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Il est lié. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Il ne peut pas mettre ses passions en avant. ولهذا يجب عليه أن يخرج عن داعية هواه إلى أن يكون عبدا محققا هذه العبودية لله عز وجل في كل أحواله. C'est pour ça qu'il appartient ou serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas suivre ses passions et de se débarrasser de ses passions et d'être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala pour accomplir cette adoration à Allah azza wa jal dans toutes ces situations, pas dans une partie, dans toutes les situations. Tu dois être un serviteur d'Allah, tu dois être soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, tu dois te débarrasser de tes passions, que la situation soit pour toi ou contre toi, que la situation est à ton avantage ou là elle est contre toi. Tu dois te débarrasser. Il en va de ta religion, de ta soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا كان من اللوازم على من يريد الخير بنفسه أن يتعرف وأن يطلب علم ما أنزل الله جل وعلا على رسوله. Et c'est pour ça qu'il est obligatoire pour celui qui veut le bien pour lui-même qu'il sache, qu'il demande la science qui est ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a descendu sur son messager alayhi salatu wassalam. Celui qui veut être sauvé, qui veut le bien pour soi, il faut qu'il cherche cette science. وَمِمَّا يُصَادِفُ الْمَرْءُ بَلْ مِمَّا يُوَاجِهُهُ فِي كُلِّ حَالٍ أَنَّكَ تُوَاجِهُ أَنْوَاعًا مِنَ الْخَلْقِ. Il fait partie des situations que rencontre l'être humain, c'est qu'il a rapport avec différentes personnes. Tu as rapport et tu as affaire à différentes personnes. Tu wajihu nafsaka akha al-islam wa tu wajihu man fi baytik wa tu wajihu man fi souq wa tu wajihu ikhwanaka al-mu'minin wa tu wajihu al-kafara wa tu wajihu al-usat wa tu wajihu al-mubtadi'a wa tu wajihu al-aqrabin wa tu wajihu al-ab'adin wa tu wajihu al-ulama wa tu wajihu wallata al-amr tu wajihu asnafan كثيرة من الناس ومن الخلق فكيف يتعامل المرء مع هؤلاء جميعا. فإن الله عز وجل dans ta vie tu as affaire à ton ego, à toi-même déjà, tu as affaire à ceux qui sont dans ta maison, que ce soit tes parents, que ce soit ta famille, ta femme, tes enfants. Tu as affaire à ceux que tu rencontres dans les marchés. Tu as affaire avec tes frères dans la foi, tes frères croyants. Tu as affaire à des mécréants. Tu as affaire à des désobéissants, il y a des pervers. Tu as affaire à des innovateurs. Tu as affaire à ceux qui sont proches de toi et à ceux qui sont loin de toi. Tu as affaire aux hommes de science. Tu as affaire aux gouverneurs. Et toutes ces catégories de personnes que Allah subhanahu wa ta'ala a créées, comment se comporter avec? Où est ta position, ta réelle position vis-à-vis de toute catégorie, comment il doit être? Ah, yata'amalu al-'abdu ma'ahum kama yurid. Est-ce que maintenant le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala va agir comme il veut avec ces catégories de personnes? Ayata'amalu ma'ahum kama yishtahi. Est-ce qu'il va se comporter avec eux comme lui il en a envie? Ayata'amalu ma'ahum kama yumli lahu 'aqluhu wa kama yumli lahu hawa. Est-ce que maintenant il va se comporter avec eux comme lui dictent ses passions et sa raison? Hein? Ou comme lui dicte l'idéologie de son groupe ou de son parti? Am yata'amalu ma'ahum wifqa الأحكام الشرعية التي جاءت في كتاب الله عز وجل وفي سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام على ما بينه أهل العلم الراسخون في بيان الكتاب والسنة. Alors il doit se comporter avec eux selon la législation d'Allah qui est dans le livre d'Allah et dans l'authentique de la sunna du prophète عليه الصلاة والسلام comme l'ont compris et éclairé les hommes de science qui sont ancrés dans la science et qui sont dans la voie du puiser d'Allah alayhim dans le fait, dans les éclaircissements qu'il donne du livre d'Allah et de l'authentique de la sunna des prophètes alayhi salatu wassalam. La shakka anna al-wajiba an yakuna al-mar'u mu'taniyan bi anwa' al-ta'amulat hatta yakuna idha ta'amala ma'a al-khalq yata'amalu ma'ahum 'ala wifqi al-shar' wa an la yakuna muta'amilan 'ala wifqi hawah wa 'ala wifqi ma yurid. Il n'y a aucun doute que ce qui est obligatoire à l'être humain et au soumis à Allah subhanahu wa ta'ala, dans les différentes situations et les différentes façons à avoir avec les différentes catégories de personnes qu'il rencontre, qu'il doit se comporter avec eux selon la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala et selon ce que lui dicte la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne doit pas se comporter avec eux selon ses passions et selon ce qu'il veut, hein, et selon ce qu'il désire. La yakh al-islam. Inna al-ta'amul ma'a an-nas bi asnafihim yahtaju ila 'ilmin shar'i. Agir avec les autres et avec les différentes catégories de personnes a besoin de nous d'un apprentissage. Hein? A besoin de nous qu'on l'apprenne dans la législation d'Allah Azza wa Jalla. ولهذا تجد أن طوائف من الناس ربما تعلموا علوما من أنواع العلم الشرعي لكنها ليست مما يجب عليهم أن يتعلموه. Il dit حفظه الله تعالى, c'est pour ça que tu trouves certaines catégories de personnes. Après, ils s'adonnent à l'apprentissage de certaines sciences de la législation, alors que ce genre de sciences dans la législation ne fait pas partie des choses qui sont obligatoires à apprendre pour eux. فَتَجِدُ أَنَّ بَعْضَ طُلَّابِ الْعِلْمِ رُبَّمَا دَخَلُوا فِي عُلُومٍ هِيَ مِنَ النَّفْلِ أَوْ هِيَ مِنْ فُرُوضِ الْكِفَايَاتِ بِمَا كَانَتْ فِي أَنفُسِهِمْ لَهُ لَدَّةٌ. Il dit, trouvera certains demandeurs de sciences qui vont chercher certaines sciences qui sont des sciences surrogatoires et qui font partie des sciences qui ne font pas partie des obligations individuelles mais des obligations collectives, c'est-à-dire l'obligation collective compte un certain nombre de la société la complète, les autres ne sont pas dans le péché. L'obligation individuelle est obligatoire pour tout un chacun. Celui qui faillit à l'obligation individuelle, il est dans le péché. Hein? Fouroud. Ce qui est obligatoire à tout un chacun de nous, s'il a une faille dedans, il est dans le péché. Contre les obligations collectives, si un certain nombre de la communauté l'accomplit, les autres ne sont pas dans le péché. Mais s'il n'y a personne qui l'accomplit, il est évident que la communauté doit s'en inquiéter parce que on risque d'être tous dans le péché si personne ne l'accomplit. Donc il dit, Havidallah, certains vont s'orienter vers certaines sciences du domaine du surrogatoire ou du domaine des obligations collectives parce qu'ils ont un plaisir, ils aiment cette science parce qu'ils ont un plaisir, ils ont un goût à cette science. يقول رحمه الله وحفظه يطلب علما لأنه يجد لذة فيه. يطلب مثلا علم الحديث لأنه يجد لذة فيه. Il dit, il demande cette science parce qu'il y trouve goût, parce qu'il y trouve plaisir. Et par exemple, les sciences du hadith, parce qu'il y trouve goût. يطلب علم المصطلح لأن له لذة فيه. Il demande la science de la terminologie, les sciences qui ont rapport avec le hadith, qui ont rapport avec la terminologie du hadith, hein, parce qu'il a un goût, il y trouve plaisir. يطلب بعض المسائل في الفقه لأن له فيها لذة. Il demande, il cherche certains sujets dans la jurisprudence parce qu'il trouve plaisir à ces sujets. يقول الشيخ وهذا لم يخرج عن داعية هواه في كل أمره. Le cheikh il dit ici, celui-là, il n'est pas sorti de ses passions dans toute cette situation. Parce que le leitmotiv qui l'a poussé à agir ainsi, C'est son plaisir, c'est son goût. C'est parce qu'il trouve plaisir à cette situation-là. Et Cheikh, il dit, celui-là, il n'est pas sorti de ses... Il n'est pas sorti complètement de ses passions. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالته التي صنف فيما يفعله العبد لأجل اللذة من الطاعات. يعني كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية dans un fascicule qu'il a écrit dans les choses que les gens font dans ce qu'ils aiment au niveau des obéissances, là où ils trouvent plaisir. Et شيخ الإسلام il a une رسالة là-dessus. يقول لا شك أن المرء إذا كان محكما لما يجب عليه وجد أنه يجب عليه أن يسعى في رفع الجهل عن نفسه بما أنزل الله جل وعلا. Il dit, y a aucun doute que si l'être humain se soumet à Allah subhanahu wa ta'ala et met en application ce qui lui est obligatoire, il va se trouver dans la situation comme quoi il faut se débarrasser de son ignorance. Il faut se débarrasser de son ignorance avec la révélation, avec ce que Allah subhanahu wa ta'ala a descendu. يقول بهذا نجد أن المسلم وطالب العلم الحريص على أن يكون عمله وفعله موافقا للشرع تجد أنه يطلب العلم النافع. يطلب العلم الذي يصحح أحواله. Dit, c'est pour ça que tu trouves que le croyant, le demandeur de science qui tient à ce que ses actes et ses paroles soient compatibles, ils vont de pair avec la législation, tu vois qu'il demande la science bénéfique. La science avec laquelle il va authentifier toutes ses situations et qui a rapport avec ce qu'il vit et sa situation pour l'authentifier. يقول لأنه ما من لحظة تمر عليك في إحوالك إلا ولله جل وعلا أمر ونهي فيها. Il dit parce que chaque instant qui passe dans ta vie, tu as un ordre. Allah t'ordonne quelque chose à faire, à accomplir. Ou Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit quelque chose à ce moment-là. Est-ce qu'on agit ainsi, frère en Allah Azza wa Jal? Est-ce qu'on s'occupe? Le but, c'est de prendre conscience. Est-ce qu'on est dans cette situation-là des gens qui s'acharnent et qui tiennent à apprendre ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait obligatoire pour nous durant les 24 heures et durant tout instant que nous vivons? Hein? Là, il faut être là, frère en Allah, parce que c'est la science obligatoire pour nous, pour tout un chacun de nous. Hein? Et donc, il faut prendre conscience de ces situations pour agir comme il se doit. إما أمر بإيجاب أو استحباب وإما نهي بتحريم وكراهة وإما باستواء هذا وذاك يعني في المباحات. Il dit la situation, n'importe quelle situation dans laquelle tu vis, tu vas se retrouver, soit tu as un ordre à faire, tu as quelque chose de surrogatoire à faire, soit quelque chose qui t'est interdit, ou quelque chose ou une situation dans laquelle tu ne dois pas être, qui est détestable d'être dans cette situation ou dans cet acte-là. Soit la situation elle est équivalente au niveau des choses qui sont autorisées. Hein? La situation est égale, l'une est égale à l'autre. Mais ceci concerne tout simplement les situations et les domaines et les actes et les paroles qui sont autorisés. يقول حفظه الله ولا شك أن المرأة إذا علم أحكام الله جل وعلا في هذه في أنواع التعاملات يكون وافق أمر الله عز وجل وعبد الله في كل أحيانه. لي يا aucun doute contre le serviteur d'Allah عز وجل. C'est les lois d'Allah سبحانه وتعالى dans les différentes situations et comment agir dans les différentes situations. Cette personne-là va aller de pair avec les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, avec la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans toute sa vie et dans chaque moment de sa vie. Parce qu'il a appris ce qu'il doit faire à chaque instant. Il a appris ce qui lui est obligatoire. Donc dans ces cas-là, ses actes vont être compatibles avec ce que veut Allah Azza wa Jal. Parce qu'il a tenu à l'apprentissage avant de ce qui lui est obligatoire. Et donc, il va être digne, inshallah, de cette science. Il va la mettre en application. Parce que s'il ne la met pas en application, il va être dans une situation dangereuse. Qui est la situation de ceux qui ont encore la colère d'Allah Azza wa Jal, qui ont la science et qui connaissent la vérité, qui ne la mettent pas en application. Et ceci est très dangereux pour lui et pour tout un chacun de nous. ولهذا يقول كانت هذه الكلمات وكان هذا الدرس لبيان شيء من احكام انواع التعامل مع الناس. C'est pour ça qu'il a fait cette conférence. Pour qu'il y ait des éclaircissements sur comment agir avec les différentes catégories de gens. Et ceci, frère en Allah Azza wa Jal, dans ce milieu, dans cette Europe dans laquelle on patauge, dans la choucroute, et on n'y a que des gens pour nous donner des ambiguïtés, nous avons besoin de ce genre d'éclaircissement et de mordre de dessus, de s'acharner à l'apprendre et à le comprendre et à le mettre en application. Parce que il n'y a pas d'homme de science. Calcul, trouve-moi par rapport à la situation d'Europe. Trouve où il est. Et tout un chacun qui prétend être un homme de science, ici, faut voir. Là, on aimerait bien savoir où il est. À part certains cas particuliers que vous connaissez, mais il n'y a pas. Et donc, il est évident que nous revenons vers les hommes de science dignes du nom, vers leur cours, vers leur explication, vers leur éclaircissement, pour le temps que nous restons encore là, à être au moins dans une clarté de nos situations et pour remplir notre devoir comme il se doit. Parce que n'importe où, on est là, est-ce qu'on reste les mains croisées? Il faut qu'on avance. Mais tout en avançant, nous devons faire très attention. Très attention. On n'avance pas avec n'importe qui. Et on n'écoute pas n'importe qui. Il en va de notre religion. Avant de permettre à quelqu'un de s'asseoir et de l'inviter quelque part et de l'asseoir sur une chaise qu'il donne cours ou là qu'il monte sur un minbar, on demande d'abord d'où il vient. Qui sont les hommes de science qui le connaissent? On se renseigne sur la aqida de la personne, sur le manhaj de la personne, avant tout. Ça ne sert à rien de s'asseoir devant quelqu'un qu'on ne connaît pas. Une fois qu'on est attaché sentimentalement avec lui, il apparaît des erreurs. Et des énormes erreurs. Il insulte les savants. Il traite la voix d'El Salaf comme quoi c'est le Wahhabiya. Il dénigre la voix du puiseur d'Allah Alem. Et après, d'autres se sont attachés à lui sentimentalement. Dans ces cas-là, quand certains veulent remplir leur devoir et dire que ça, ce n'est pas bon, qu'il faut faire très attention à cette personne, on se trouve divisé en trois. Pas deux, mais en trois. Les pour, les contre et les neutres. On est arrivé à quoi? Et pourquoi on est arrivé à cette division? C'est nous les fautifs. C'est nous les fautifs. Parce qu'au lieu de mettre en application la parole d'Ibn Sirin, rahimahullah ta'ala, cette religion, la science de cette religion est une science demandée. Regardez très bien chez qui vous la prenez, on ne l'a pas mis en application. Et quand la catastrophe est arrivée, on se mord les doigts. Et après, les frères sont divisés en trois parties. Mais pourquoi ils se sont divisés? Parce que la lacune et le hic a commencé dès le départ. Comme il a dit Cheikh Ahmed Bazmoul, hafidhahullah ta'ala, quand les Parisiens ont commencé à lui téléphoner sur certaines personnes, il leur a dit, texte comme ça, il leur a dit, s'il au départ, avant de lui donner le manbar, avant de lui donner une chaise pour renseigner, vous vous êtes renseigné avant, vous ne serez pas dans cette situation maintenant. Vous avez pris l'initiative Vous l'avez mis en avant. Et qu'est-ce qu'il arrive après? Trois groupes au lieu d'un. Pour, contre, neutre. Et ça amène des fois à des situations très graves. Hein? C'est pour ça. Alors on n'est pas dans une situation qui est à envier en étant ici en Europe, en l'absence des hommes de science. Là, on est dans une situation critique à l'islam. Très critique. Hein? Fayaqul al-Sheikh, ta'amul al-mar'i ma'a nafsih. Le Sheikh de nous dire comment la personne doit se comporter avec lui-même d'abord. Hein? Faut qu'on y réfléchisse. Faut qu'on y pense. Comment on doit être avec soi-même? أقرب ما يكون إليك نفسك التي بين جنبيك وإن أكثر وإن النفس أكثر ما يعامل المرء نفسه فهذه النفس التي بين جنبيك كيف تعاملها أتعاملها معاملة من لا يدرك ما يجب عليها وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز أم يعاملها وفق الحكم الشرعي. Et la première chose que nous devons savoir, c'est comment agir avec soi-même déjà. Parce que le soi, c'est quelque chose qui est en nous, qui sont nous-mêmes. Nahno, cette âme qui nous fait vivre. Comment agir avec notre personne, avec notre nefs qui est dans notre intérieur. La chose à laquelle tu as le plus à faire, c'est ton nefs. Hein? Cette nefs qui est en toi, qui est contenue entre tes deux côtés, hein? Comment tu dois te comporter avec elle? Est-ce que tu dois te comporter de la façon de celui qui ne sait pas ce qui est obligatoire et ce qui ne l'est pas? Ce qui est permis et ce qui n'est pas permis? Ou alors tu dois te comporter avec elle selon la législation d'Allah Azza wa Jalla? Faut que tu regardes. Inna Allah Azza wa Jal fi al-Qur'an al-Azim wa an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam fi sunnatihi al-mutahhara bayyana Allah Jalla wa Ala wa bayyana Rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam annahu yajibu 'ala al-mu'min an yuzakkiya nafsahu. Sache frère en Allah Azza wa Jal que Allah subhanahu wa ta'ala dans sa parole qui est le Qur'an al-Karim, que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dans sa noble sunna, hein, le Coran qui est la parole d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala nous a éclairé dans le Coran comment il faut être, qu'il faut purifier son nefs. Le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam nous a incité, il nous a demandé et ordonné de purifier son nefs. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Ton nefs, il est dit dans le verset. C'est un verset que vous connaissez. Il fait partie vers les derniers chapitres du Coran. Dans Surat Shams, le soleil. Beaucoup de vous le mémorisent. Il passe devant ce verset. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Pourquoi il faut le méditer? Il a réussi celui qui l'a purifié. Il purifie quoi? Son nefs. Son intérieur. Et il a. Il est dans le mal, celui qui la laisse. Hein? Patauger dans le mal et dans la pureté qui ne la purifie pas. Hein, dans le Coran. Fassayu fi tazkiyati nafs huwa awaj ta'amul ma'an nafs. Awaj darajat ta'amul ma'an nafs. Le fait de s'acharner et de tenir à se purifier, à purifier son intérieur, c'est le plus haut degré du fait de se comporter avec soi-même et avec son âme et avec son intérieur. Fa inna an-nafsa laha talabat fi al-khayr wa laha talabat fi al-shar. Car ton intérieur, une nafsi, l'ego de la personne, il a des demandes. Il a des demandes dans le bien, il a des demandes aussi dans le mal. des demandes dans le bien et dans le mal aussi, frère en Allah Azza wa Jal. Wa inna al-mar'a idha 'amala nafsahu bis-sa'i fi an yuzakkiha kanat tilka an-nafsu nafsan tayyiba. Et l'être humain, s'il s'acharne, qu'il œuvre dans le sens de purifier son âme, cette âme va être bonne et va être pure. وكانت نفسا مفلحة وكان صاحبها مفلح. Et cette personne va être parmi les gagnants. Et son ego va être bon. Il va être un ego gagnant, une âme gagnante. Il en dit qu'on le gagne de la personne lui-même. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. Quand il est dit dans le verset, il réussira celui qui purifie son âme. Mais il sera perdant celui qui ne la purifie pas. وفلاح النفس وتزكيتها يكون بأمر عام ألا وهو أن يجعل نفسه متعلقة بالدار الآخرة وأن يجعلها مبتعدة عن دار الغرور. يجعل هذه النفس في أحوالها وفي مطالبها متعلقة بالدار الأخرى، متعلقة بالجنة وبالترغيب إلى الجنة وبالترغيب من القرب إلى الجنة وبإعداد المنازل هناك وبالبعد عن النار وعن وسائلها وعن ما فيها من أنواع العذاب. La réussite de l'âme pour pouvoir la purifier se fait avec quelque chose de général. Et le fait de faire que la personne, son cœur et son âme soit attaché à l'au-delà, à la maison éternelle, et qu'il détache son âme de ce bas monde éphémère et de ce bas monde qui va se terminer un jour ou l'autre. Cela ne veut pas dire qu'il faut être mystique et s'asseoir dans un coin et attendre que ça passe. L'air à l'islam, tu œuvres pour subvenir à tes besoins, etc. Mais ton âme, ton cœur, tu lis à quoi? Allah Azza wa Jal, à l'au-delà, à la maison éternelle, et que même en œuvrant, en faisant, en utilisant le moyen pour avoir ta subsistance, combien tu ne dois pas oublier les obligations d'Allah Azza wa Jal. Et dans ton travail, et dans le moyen de ta subsistance, tu œuvres dans le bon sens, au milieu de ton travail, pour acquérir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la personne doit faire de son nefs dans toutes ces situations et dans toutes ces demandes que son nefs soit suspendu à l'au-delà et attaché à l'au-delà, lié à l'au-delà, et que son nefs soit lié au paradis et envie du paradis et envie de se rapprocher des choses du paradis et envie d'arriver à des hauts degrés dans le paradis, et que c'est que son nefs y peur de l'enfer et du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il ait peur des différents châtiments, différentes formes de châtiments qui sera subi, que subira ceux qui vont le subir dans l'au-delà. Ça, c'est une situation générale qui te permet déjà, un point général avec lequel déjà permet de avancer dans la purification de ton nefs. يقول الشيخ هذه أول درجات تزكية النفس أن يكون المرء ناظرا فيما يصلحه في داره الأخرى يعني أن يكون المرء متعلقا بالدار الأخرى وإذا تعلق المرء بالدار الأخرى رغب في الجنة وهرب من النار كانت الحصيلة أنه يسعى إلى ما يقربه من الجنة ويسعى فيما يبعده من النار ويسعى في تزكية النفس كما قال بعض السلف لتزكية النفس ثلاث ميادين. شيخ de nous dire ça, c'est le premier degré pour purifier son nefs. C'est que l'être humain il regarde s'il va faire le bien de son au-delà, de sa maison éternelle, et que son cœur et son âme soient liés avec l'au-delà. Et quand la personne va être attachée à l'au-delà, hein, et que la personne a envie du paradis, il va se sauver. Et qu'il a peur de l'enfer, il va se sauver. Tout ce qui va rapprocher de l'enfer, il va œuvrer. Il va faire en sorte de faire les œuvres qui vont le rapprocher du paradis. Il fait partie de ses œuvres le fait de se purifier intérieurement en premier. Hein? Et pour purifier son nefs, comme on dit certains nombres de sciences parmi les plusieurs d'Allah Alay, il y a trois degrés, trois terrains pour la purification du nefs. أول ذلك أن يزكي نفسه بإصلاح القلب بتوحيد الله عز وجل وبإخلاص الدين له. Le premier terrain, la première étape, c'est qu'il purifie son cœur avec le monothéisme et que ses actes, il les accomplit sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et tout simplement pour Allah subhanahu wa ta'ala. فإن إخلاص القلب لله جل وعلا هو أعظم ما تكون به تزكية النفس. Car le fait d'accomplir les actes sincèrement pour Allah subhanahu wa ta'ala et le fait que dans le cœur s'installe la sincérité, c'est la plus grande des choses avec laquelle la personne arrive à purifier son nefs. لأن النفس لا بد وأن يكون فيها محاب مشتركة. Car dans l'intérieur de la personne, il y aura toujours des choses qu'il aime. Il y aura toujours des choses dans lesquelles son amour est associé pour des choses. فإذا كانت محبة الله جل وعلا أعظم وكانت مرادات النفس تبعا لمراد الله عز وجل كان الإخلاص في القلب أعظم. Quand maintenant l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala l'emporte et que les envies de la personne suivent ce que veut Allah Azza wa Jal, l'ikhlas va être énorme dans le cœur de la personne. L'ikhlas va être énorme dans le cœur de la personne. Et le contraire, qu'est-ce qu'il va faire? Le contraire. Le contraire de cette situation va faire le contraire. وكان ازدياده من الإقبال على الله جل وعلا أعظم. Et sa vie va être orientée dans le sens où il veut rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, mais il veut le rencontrer avec la bonne œuvre. Il va œuvrer dans le bon sens, à accomplir les bonnes choses pour arriver vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il accourt à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala en accomplissant ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala de lui. ولا شك أن الإخلاص يتبعه أنواع من إصلاح عبودية القلب. Il y a aucun doute, disent les hommes de science, que l'Ikhlas le suit certaines revivifications de certaines adorations du cœur et certaines réformes qu'il faut accomplir pour le bien du cœur et pour le bien des adorations du cœur. Les adorations du cœur sont nombreuses. Aimer Allah, aimer son messager, aimer les compagnons de Mohammed alayhi salam, hein? Détester l'associationnisme, désavouer les innovateurs, et ainsi, ça c'est des actes du cœur. Avoir confiance en Allah, hein? Avoir espoir en Allah, ça ce sont les actes du cœur. Ce sont les adorations du cœur. Wa min amtali man sharaha dhalika wa bayyanahu Ibn al-Qayyim rahimahullah tilmidu شيخ الإسلام العلم الإمام المعروف في كتابه مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين. Et la meilleure des explications, la plus noble des explications qui a été donnée à cette situation, c'est Ibn al-Qayyim rahimahullah qui l'a donné, qui est l'élève, l'un des plus grands élèves de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, qui est une éminence dans la science, qui est connue, hein, dans son livre Madaris Salikin, les étapes de ceux qui accourent vers Allah Azza wa Jal. Madaris Salikin, entre eux, les étapes de Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Ce verset qui est Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Trois volumes à l'islam Madaris Salikin. Pour Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in. Dans lequel Amen. Beaucoup de choses qui peuvent faire purifier l'intérieur et le cœur de la personne et le lier avec Allah Azza wa Jal. Mais ce genre de livre a besoin de nous qu'on s'acharne à apprendre la langue arabe et à se donner cet outil pour pouvoir goûter au goût exquis de la science des hommes de science digne du nom. Parce que les traducteurs, n'importe comment, tu ne sais pas ce qui se cache derrière. Comme disent les vieux maghrébins, entre la chair et l'angle ne rentre que la saleté. Si le traducteur ne craint pas Allah, il n'est pas sur la voie du tipuzer d'Allah Alim, il va t'amener là où il veut lui. Il va t'amener vers sa tendance, vers son idéologie. Et ceci, on le voit devant nous, les livres traduits. Par exemple, Riyad Salihin traduit par un Sofi, on doit l'orientation vers qui il t'amène. Et n'importe quel livre, un livre traduit par un Ikhwan, tu vois vers la situation de l'islam politique vers lequel il t'oriente. Et ainsi de suite. Et tu vois la différence avec les traductions. Alhamdoulilah, maintenant commence, depuis quelques années maintenant, à apparaître des traductions de frères salafis. Tu vois la différence. Prends un livre traduit par un Hizbi ou par un Soufi et compare-le à la traduction d'un frère salafi. Tu vas voir la différence, comment il est. C'est énorme. Tu ne sais pas qui se cache derrière le traducteur. Il faut que tu saches qui il est, d'où il voit, de qui il voit, de quelle tendance il est, avant d'ouvrir ton cœur à lui et avant de lui donner tes oreilles et de lui ouvrir ton cœur. Il en va ta religion, à l'islam. Il en va ta religion. N'importe qui, que ce soit moi ou que ce soit quelqu'un d'autre, tu te renseignes avant. C'est ta religion, Akhi. C'est ta religion. Tu dois. C'est ton devoir. Tu ne dois pas tomber dans la gueule du loup. Et aller vers toi. Un beau parleur, un truc, il a commencé une alhamdulillah, etc. Oui, d'accord. C'est une sunna de commencer une alhamdulillah, alhamdou, khutbat al-haja. Mais ce n'est pas tout. Combien des gens, ils commencent avec la sunna, ils te disent qala al-Albani rahimahullah, qala kada. En réalité, c'est des sororis, des kfiris de première classe. Mais il faut du temps pour s'en rendre compte. Parce qu'ils ne te le montrent pas tout de suite. Tu ne verras jamais un innovateur va te dire, moi je suis Ikhwan, ou là je suis Tbler, ou là je suis ceci. Ou là je suis Sofi, ou là je suis Tkfiri. Jamais de la vie. Il va se dire, moi je suis Tkfiri. Pas possible. Ou là Sorori. Impossible. فإن هذا الكتاب الكتاب ابن القيم خلص ابن القيم رحمه الله فيه كلام السلف من أذران كلام غلاة المتصوفة وجعله كلاما متسقا كلاما عظيما كلاما جميلا في إصلاح عبودية القلب. هذا الكتاب مما ينبغي أن يمر عليه طالب العلم، بل يمر عليه كل مسلم بين الحين والآخر، وأن ينظر فيه فما فهمه منه مما فيه إصلاح النفس عمل به، وما لم يفهمه أو استشكله يسأل أهل العلم عن مرادات ابن القيم في ذلك. Il dit, Hafidhahullah Ta'ala, ce livre qu'a écrit Ibn al-Qayyim, Ibn al-Qayyim l'a débarrassé de toutes les ambiguïtés, les erreurs d'Yal Sofia. Et il a fait apparent ce qu'il y avait dans le livre à l'origine, parce que ce n'est pas son livre au départ. Tout simplement, il a pris, Manazil, je ne me rappelle plus du titre à l'origine. Et dans l'original, qui est la source de Madalij Salikin, il y a beaucoup de tasawwuf dedans. Il y a beaucoup de voix de Sofia et beaucoup de choses qui, du délire d'Yal Sofia, etc. Bah, Cheikh l'Islam Ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi, il a tout nettoyé, tout ça, purifié. Des impuretés, des extrémistes d'Yal Sofia. Et il a fait que ce livre va de pair avec les paroles du puiseur d'Allah Alim. C'est pour ça que les hommes de science, comme le Cheikh Sersal, le Cheikh Hamdallah Ta'ala, dit que c'est un noble livre, c'est un beau livre, dans le fait de réformer le cœur et de réformer les adorations du cœur. Et ce livre, il dit, Hafidhahullah Ta'ala, le demandeur de science, doit le lire. Il doit de temps en temps revenir vers ce livre et le réviser et revoir certains passages. Le musulman en général, de temps en temps, doit aller lire certains passages dans ce livre. Et ce qu'il a compris dans les actes qui vont purifier son nefs, il le met en application. Et ce qu'il n'a pas compris, ou les situations dans lesquelles il a des ambiguïtés, là, son devoir, c'est de demander aux hommes de science pour avoir la réalité. De ce que voulait Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, dans ce livre. Nous allons arrêter là, inshallah. On reprendra après salat, inshallah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بارك الله فيكم واحسن الله اليكم جزاكم الله خيرا